Le président du Parti du Travail de Corée, Kim Jong-un, a présidé la première conférence des présidents des organisations de base de tout le parti, déroulée du 23 au 25 décembre, et prononcé l'allocution de clôture. Il a dit que la présente conférence a discuté sérieusement des problèmes importants posés pour renforcer les organisations de base du parti et rehausser au maximum leurs fonctions et rôles militants. Et de continuer. À travers la conférence des présidents des organisations de base du parti, ont été reconnus et réaffirmés une fois de plus la position et le rôle important des organisations de base du parti dans le travail du parti et l'accomplissement de l'œuvre du socialisme. Ont été manifestés parfaitement la foi et la volonté de faire de centupler la force et la combativité invincible de notre parti et d'anticiper l'édification d'une puissance socialiste grâce au renforcement du rôle des organisations de base du parti. Je suis satisfait de la tenue fructueuse de la conférence conformément à la demande de notre parti et de notre révolution en évolution. Je remercie vivement les participants, tous les militants du parti et tout le peuple pour avoir consacré de gros efforts en faveur de la réussite de la conférence. La première conférence des présidents des organisations de base de tout le parti brillera pour toujours dans l'histoire de notre parti comme rendez-vous significatif et de la gloire qui a contribué à renforcer notre parti en grande organisation kim-il-suniste, kim-jong-iliste, et marquer un raccourci pour l'achèvement de la cause socialiste. L'esprit fondamental de la présente conférence consiste à fortifier les organisations de base du parti en rang invincible et à rehausser par tous les moyens leur militantisme dans le but de marquer un tournant décisif de la lutte pour le renforcement continu de notre parti et l'application de la décision du 7e congrès du parti. Tous les présidents des organisations de base du parti sont tenus de graver dans le cœur l'esprit de la conférence et de le concrétiser à fond aux fins d'opérer un essor révolutionnaire dans le travail du parti et l'édification d'une puissance socialiste. Les participants à la conférence sont appelés à devenir porte-drapeau de l'offensive générale et hommes d'action persévérants qui ouvrent la brèche dans les chantiers de construction d'une puissance socialiste pour que leurs unités innovent et progressent sans discontinuer avec l'esprit manifesté dans la dernière campagne de 200 jours. Notre chemin à parcourir est long et notre tâche est énorme, et du fait des machinations d'empêchement des forces hostiles, notre lutte connaît toujours des difficultés. Dans ce contexte, notre parti compte sur les larges masses populaires et s'appuie sur elles. Je compte beaucoup sur les organisations de base du parti et leurs présidents qui se chargent de canaliser exactement la force inépuisable des masses populaires pour l'application de la ligne et de la politique du parti. Pour finir, convaincu du nouveau tournant dans le renforcement de notre parti et l'édification d'une puissance socialiste grâce aux efforts dévoués des participants à la conférence et des autres présidents des organisations de base de tout le parti, le président du Parti du Travail de Corée a déclaré la clôture de la première conférence des présidents des organisations de base de tout le parti.